écrire. Ta croix sur ma carte au trésor. Oh, littérature. Sur mon corps. À creuser, à creuser, à chercher, à chercher. Tu en perdras le nord. Te fous-tu une boussole pour t'aider dans ton effort. Trouver le secret de la toison d'or ou te laisser au prochain port. Veux-tu user du temps devant nous pour ne pas te retrouver par-dessus bord. Mes perspectives imprévues, je vous sens un peu cavalière. Je pensais que toi, l'homme absolu, tenais l'art et la manière. Le mal est vaincu. Et moi, la femme, je suis déçu. Disons qu'on n'a rien vu. Soyons comme au début. Illustre inconnu.